sur Énergie. Yes! Bonsoir tout le monde! Je sais que les ondes vont brûler ce soir, on vous en parle depuis déjà quelques jours. La jeune fille qui est à mes côtés est l'une des plus grandes stars du monde. Elle est arrivée hier en France et elle a fait un énorme cadeau aux auditeurs d'Énergie. Elle leur a offert un concert ultra privé au Théâtre de l'Empire. Deuxième cadeau, elle va dévoiler ses charmes pendant plus d'une demi-heure sur Énergie. Je vous la décris en quelques mots, je suis déjà amoureux moi. Un petit haut sexy orange, un pantalon moulant, on connaît tous par cœur CI, de Baby One More Time à Crazy en passant par le nouveau Oops, I Did It Again pour l'accueillir. Je suis pas tout seul, on a invité des auditeurs d'Énergie et je vous demande de faire une ovation et de mettre le why pour la craquante Britney Spears, s'il vous plaît. Hi. How are you, Britney? I'm good, how are you? Fine, thanks, I'm very happy to meet you. Avant qu'on commence quoi que ce soit, raconte-nous comment c'était hier soir. My first question is very simple. How was it yesterday night, in fact? And what do you think about French audience? Actually, I was a little nervous at first because it was my first showcase ever, you know, in Paris. But donc elle avait the crowd un petit was wonderful. They, you know, they were very welcoming and they were very nice. So it was fun, it was a lot of fun. Elle était un peu anxieuse parce que c'était son premier show en France, mais c'était une merveilleuse journée et ça s'est vachement bien passé. Les auditeurs qui sont en face de nous vont te poser des questions dans un instant, mais avant qu'on attaque, est-ce que tu peux nous présenter ton nouveau single? Let me introduce you the listeners who are in front of you. They're going to ask you many and many and many questions in a minute, but first, I was wondering if you could present the first song. Yeah, I'm Britney Spears, and this is my new single, Oops, I Did It Again. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Because to lose all my senses, that is just so perfectly me. Oh baby, I'm dreaming away, wishing that the heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so pathetic. Before you go, there's something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes it is. But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Britney Spears fait son week-end spécial sur Énergie. Weekend. Ah ouais. Ouais. Eh ben c'est... Nous on plein de questions, je le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a plein de choses croustillantes à demander à Britney. Mais avant, on vient d'écouter le nouveau single intitulé Oops, I Did It Again. Si on traduit en français, ça veut dire oh zut, je l'ai encore fait. Mais de quoi parle-t-elle? The new single is Oops, I Did It Again. But what did you do again, in fact? So can you explain it? Well, really, the song's talking about a girl who keeps on breaking guys' hearts. And they keep on falling for her. And she's like, oops, I'm sorry. Donc en fait, c'est une fille qui casse avec les garçons et qui fait oh pardon, j'ai encore cassé avec toi. Ok. On a une question dans le public de Andrei. Salut Andrei. Ouais. We have a question for you. Bonjour Romuald, bonjour Britney. Hi. Je suis très content de te rencontrer aujourd'hui. Donc j'ai une question pour toi. Je voulais savoir si tu connais des artistes français. Pardon. Do you know French artists? I'm not really familiar with them. Non, elle n'en connaît pas du tout. I'm sorry. Allez, désolé. What can you say in French? Qu'est-ce que tu peux dire en français? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du français de Britney? C'est bien? Well, thank you. Qu'est-ce que tu détestes chez nous en France? What do you hate the most in France? What do I what? What do you hate? I hate, really? Hate? Mm-hmm. Do you hate something? No, nothing at all. Ah, déteste rien, mais c'est parfait. Can you tell us more about the new album? Parce que l'album va sortir le 16 mai, album croustillant. Can you tell us more about this new album? Well, you know what? It's very special to me because I've had a lot more involvement with this album, and it's more me, and it's the album's just basically talking about, you know, being happy with yourself. En fait, c'est un album qui est plus d'elle-même, et c'est un album qui. Sorry, what was the last answer? It's about being happy with yourself. Voilà. Yeah. D'être heureux avec soi-même. Yeah. All right. On va revenir dans deux secondes avec des surprises et puis avec d'autres questions des auditeurs d'énergie qui sont en pleine forme. On revient tout de suite. Yeah. Britney Spears, l'interview. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'ambiance ici dans le studio public d'énergie de passage en France. De passage. Moi, je suis troublé un petit peu par Britney. De passage en France, Britney vient vous saluer sur énergie. Elle est avec nous pour quelques minutes de bonheur. Le week-end commence bien. Et pendant que je vais aller me jeter la tête dans un frigo, histoire de pas bafouiller non plus toute l'interview, histoire de me rafraîchir, je vous propose de présenter le prochain disque. Can you present the next song, Britney? Yeah, this is one of my favorite songs. It's called Born to Make You Happy. You happy, Britney Spears sur Energy. Ça va tout le monde? Wap wap, c'est une soirée de folie qui vous attend ce soir. Déjà, je vous rappelle que Britney Spears est là encore pour un petit bout de temps avec nous. Mais c'est pas non plus à vous qu'on apprendra qu'elle était en concert hier soir au Théâtre de l'Empire. On a enregistré le concert, on va le rediffuser rien que pour vous à 21h. Et également sur internet energy.fr. Britney, tu surfes un peu sur tes sites internet. Do you sometimes visit your internet sites? On the computer? Mm-hmm. You know what? Usually, I'm so busy. I'm on the road. I don't travel with a computer. So. Ouais, elle est sur la route, donc elle peut pas trop regarder un peu les messages. On chope vite une question d'un auditeur qui est avec nous. C'est Céline, je crois. Salut Céline. Salut tout le monde. Salut Britney. Salut Romuald. Alors, je voudrais savoir que maintenant que Britney est une star, s'il y a-t-il un compte des paparazzi? Now you are so famous. Do you take care of paparazzi? I mean, in fact, how do you manage with your private life? Well, usually. I just make do and I like go out anyways. Ouais, elle le fait puis elle laisse après aller. Yeah, I just put a hat on and I'll put a disguise on and I go out and I have to make time to do normal things, you know. Otherwise I'll go insane. Donc elle fait pas trop attention parce qu'il faut qu'elle se garde du temps pour faire des choses normales. C'est quoi le pire potin que t'as entendu sur toi, la pire rumeur? What was the worst gossip you heard about yourself? The worst gossip? Mm-hmm. Lordy, there's been plenty of things. Song you choose, can you present it? Yeah, I want to hear Man, I Feel Like a Woman by Shania Twain. Ça demande un petit peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Let's go. Et le public qui est avec nous est en délire, pas vrai tout le monde? Attends, c'est normal, c'est normal. C'est pas tous les jours que sur Energy, Britney Spears vient caresser les ondes. C'est un bonheur de l'avoir à mes côtés rien que pour vous. Si vous venez d'allumer la radio, je vous retrace en deux mots le tableau. Britney était en concert privé hier soir au Théâtre de l'Empire. On va vous le rediffuser tout à l'heure sur Energy et sur internet energy.fr. Et elle va repartir bientôt chez elle, à New York aussi. Mais elle a insisté pour vous parler en live ce soir. Et Mehdi a un micro. Mehdi, tu la trouves comment déjà, Britney? Parfaite. Parfaite. You think you are perfect. Oh, you're sweet. T'es mignon. On va peut-être vous laisser tous les deux. Perfect. T'es parfait aussi. Bon, bah nous, on s'en va. Hein. Ok, bah vas-y, Mehdi, t'as une question. Bonjour. Alors, j'aimerais savoir avec quelle star aimerais-tu chanter? Whom would you like to sing with? Sing with? Mm-hmm. I would love to do a duet with Michael Jackson. I think he's amazing. Voilà, vous l'avez compris, elle aimerait bien faire un duo avec Michael Jackson. Qu'est-ce que vous en pensez d'un duo avec Michael Jackson? Je voulais aussi revenir sur un truc parce qu'on a écouté à l'instant le disque que tu avais choisi, c'était Shania Twain. On a reçu des demandes sur internet energy.fr pour savoir ce que tu écoutais chez toi peignoir, et savoir déjà si ça ressemblait à la musique que tu fais. Is the music that you listen to when you're at home the same as what you do yourself? The music that I listen to on tour? When you're at home, chez toi. What do I listen to? Yeah. I listen to all kinds of different music, like hip-hop, R&B. rock. I love like Macy Gray, Cisco, D'Angelo. Elle écoute un peu tout. And then country, Shania Twain. I like all types of music. So do you don't know French artists? You don't know French? I'm sorry. Non, on va lui filer des CD de Jordi ici. Bon, et puis on en parlait tout à l'heure aussi, tu voyages grave partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un objet qui te suit partout ou un porte-bonheur? Like we said before, you travel a lot. Is that something that you always have with you? I mean, like a lucky charm? Usually, well, my dog. I always have ready? To have my dog with me. Actually, she's not with me right now. D'accord, il est pas en France. But when I'm touring, yeah. But this is my lucky charm, really. It's my cross. Elle a un petit collier. Yeah. Voilà, un petit collier qui est tout mignon, qui est tout mignon. Excusez-moi, parce que quand je regarde le collier, c'est incroyable. Bon, vous derrière la radio, ne partez pas sans dire au revoir à Britney. Elle reste encore quelques minutes avec nous. Je pense qu'on lui demandera si elle est célibataire. On lui demandera si elle a des projets très bientôt. Et on essaiera d'avoir des scoops et pourquoi pas son numéro de portable. Donc à tout de suite. Énergie, hit music only. Hit System, cette compilation est une bombe. Tom Jones, R. Kelly, Cholama, Mystique, FL65. Hit System, une explosion de tubes. Tina Arena, Britney Spears, Yannick. Hit System, tous les numéros 1 en exclusivité, c'est énorme. C'est maman. Maman. Alors Nicolas, t'as été bien sage pendant que maman était partie. Oui maman. Et y a pas eu de coup de téléphone pour maman? Non, que pour papa. Ah bon? Et qui c'était? Une dame très gentille. Ah?